clair et précis. Clair et précis. 0,2 secondes avant l'impact. Génération freestyle, génération freestyle. Casse dédié pour les caves à musique. Gregor, ma fin. Ambiance pesante, des terrages de rimes sombres. Si tu connais pas mon place, appelle-moi guerrier de l'ombre. Je représente pour la team, clair et précis. Violent comme un arrachage de dents sans anesthésie. On prépare du son lourd, encore je pèse mes mots. Je sais que tu vas vite nous oublier, allez check mes mots. Cerveau verrouillé, réveil difficile. Des souvenirs de verre remplis de tease et de shit qui s'effrite. Trop de choses à dire, pas assez de temps pour en parler. Trop de trucs de fou qui dans cette vie me rendent taré. Mieux vaut être parano pour rien que sûr de tout. Quand t'as pas de pif, que t'as une vie de galérien rempli de vices, mais ça sert rien. Parce que quand t'as rien, t'es prêt à tout niquer pour des billets. Fumer des bêtes pour oublier à quel point ta vie est bousillée. La voix de la rue vient freestyler. Des clichés, monotonie assassine. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis. Putain, j'ai toujours la rage, mais cette fois-ci faut que je m'en détache, faut que je m'élève. Je peux pas garder la haine comme seul message, mais sache que chaque jour je vise mieux qu'hier. C'est ça le mode de vie, si tu veux pas finir en serpillière. Certes hier, je me suis vautré, je me suis cassé la gueule. Mais aujourd'hui je suis debout, hé t'es mal cascadeur. Bah ouais c'est ça la vie, ça va, ça vient et ça défile. Et chaque jour de plus n'est rien d'autre qu'un nouveau défi. Je veux décrocher la lune en sachant que je n'ai pas de bonne étoile. Non y'a que des hauts, des bas et quelques faux départs. Des faux, des braves, apprends à faire le tri. Et si t'amasses l'oseille, apprends à taire le prix. Ne lutte pas contre le temps, c'est pas le sablier qui va plier. Le bonheur ne vaut rien si l'horloge est habillée. Courir après un tas de billets, ça suffit pas à m'animer. Mais si la prod est choc, je commence direct à la déshabiller. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis. J'ai pas grand chose de concret, je veux faire le bien, je suis son contraire. Éclair de génie quand ça crée, éclair de génie si ça pète entre ciel et terre. C'est là où je crèche, là où les types s'empressent de te voler tout ton pèse, là où les riches s'engraissent. Le cul au soleil sur un siège pendant que toi tu rembourses ton prêt, tu galères toute l'année. T'es loin de la vérité, t'es gay, dis-moi tu veux pas lever la tête. Ça serait sympa de cesser de regarder ton nombril de merde. Tu voudrais pas lâcher ton phone en secret et voir le monde que tu vas laisser à tes mômes. J'irai sur une autre planète comme ceux qui sont dans leur vaisseau. Si ça fait ce, faudra t'y faire, ça sert à rien d'être pacifique. Y'a pas de magie sans artifice, ceux qui s'activent sont maléfiques. Viens pas te plaindre quand le mal est fait. On construit seul son édifice. Y'aura que nos gosses pour glorifier. Y'aura que nos gosses pour glorifier. Le monde est stone pas horrifié. Le monde est stone pas horrifié. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis. Ça rafale, éclair se précise. Les récits laissent de marque, laisser s'éclaircir. Y'a Primo, Amosquise et on t'éclaircit. Écoute ça, c'est clair et précis.